الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 63 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc on va commencer à partir de l'endroit où on s'est arrêté au dernier cours. Et au dernier cours, on expliquait le fait que la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une lumière qu'il met dans le cœur, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a désigné également comme étant une âme par laquelle il donne la vraie vie. Et on a cité également à la fin, par la suite, on a parlé de Farasat al-Mu'min, et on a parlé également du hadith Qudsi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que le serviteur d'Allah, plus il se rapproche d'Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer, hein, jusqu'à ce qu'il n'utilise tous ses sens que dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand il va regarder que ce que Allah aime, quand il va écouter, il va écouter que ce que Allah aime, et il va faire avec sa main que ce que Allah aime, et avec sa jambe que ce que Allah aime. Et ça, c'est lorsqu'il a compris la réalité de la religion, il l'a appliqué, et il s'est rapproché d'Allah jusqu'à ce qu'il devienne un serviteur rapproché, un wali d'Allah. Donc on avait parlé de tout ça et on avait expliqué le hadith. Maintenant le cheikh il continue, il dit: فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مِنْ هَؤُلَا فُرِّقَ بَيْنَ حَالِ أَوْلِيَاءَ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. Donc le cheikh il dit, donc si le serviteur est ainsi, c'est-à-dire il fait partie de ceux-là, alors on peut distinguer facilement entre l'état des serviteurs d'Ar-Rahman et ceux qui sont rapprochés de Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et les alliés du shaytan. Et le cheikh il explique que Cheikh Al-Fawzan, donc il dit ça pourquoi, par Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ça premièrement pour expliquer que ça indique une chose importante, c'est que on distingue le wali d'Allah par son adoration, par son rapprochement d'Allah, le fait qu'il fait ce que Allah ordonne et qu'il s'écarte de ce que Allah interdit, et que c'est ça qui va aider à distinguer. Tandis que les awliya du shaytan, eh bien, ils font ce que Allah déteste, et ils s'éloignent des ordres d'Allah. Donc ça c'est important pour être capable de comprendre et pour bien distinguer entre ceux qui se prétendent être des awliya et qui sont en réalité des awliya du shaytan, et ceux qui sont des vrais awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils suivent l'exemple des messagers et des prophètes. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, non, Cheikh al-Fawzan, il explique ce passage-là, puis il dit: innahu la budda أن الدنيا فيها أولياء أولياء للرحمن وأولياء للشيطان ليس كل من في الدنيا أولياء للرحمن ولا هم كلهم أولياء للشيطان بل فيها من هو ولي للرحمن ومن هو ولي للشيطان ولا يميز العبد بين الفريقين إلا بالإيمان ونور العلم ونور العبادة التي يجعلها الله في قلبه. Donc le cheikh explique que il dit qu'il doit nécessairement y avoir dans ce bas monde des serviteurs d'Allah et des alliés d'Allah Ar-Rahman et des alliés du shaytan, et dans cette vie d'ici-bas il n'y a pas que des alliés d'Allah, il n'y a pas non plus que, yani, il n'y a pas, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui sont des alliés d'Ar-Rahman, et c'est pas tout le monde non plus qui sont des alliés du shaitan. Il y en a qui sont alliés d'Allah, Ar-Rahman, et il y en a qui sont alliés du shaitan. Et on ne peut distinguer entre ces deux groupes-là, excepté par la foi et la lumière de la science et la lumière de l'adoration que Allah met dans le cœur de celui qui l'adore. Donc, ça c'est un point important. Ensuite, le cheikh il dit كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف. Donc le cheikh il dit c'est de la même manière que un sayrafi, c'est quelqu'un qui yani, est un expert des monnaies et de l'argent et de l'or. Donc lui, c'est lui qu'on va quand on veut faire de la monnaie ou faire des échanges d'argent d'une monnaie à l'autre ou acheter de l'or ou des choses comme ça. Donc lui, il est spécialiste dans ça. Et donc quand on va le voir, hein, on lui donne notre argent, lui il regarde les pièces, il regarde l'or et l'argent et il voit, il a des moyens pour distinguer entre l'or qui est réel et l'or qui est faux, hein, de l'or qui est, disons, de l'imitation. Donc le cheikh il explique ici, il dit وَأَمَّا الَّذِي يَظُنُّ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خَوَارِقَ لِلْعَادَةِ وَلِيٌّ لِلَّهِ مُطْلَقًا هَذَا لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ الْخَوَارِقُ لِلْعَادَةِ لَا تَدُلُّ عَلَى الْوِلَايَةِ حَتَّى يَرَى مَا عَلَيْهِ صَاحِبُهَا فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَعِبَادَةِ اللَّهِ فَإِنَّهَا كَرَامَاتٌ أَجْرَاهَا اللَّهُ عَلَى يَدِهِ إِكْرَامًا لَهُ ولحاجته إليها أو حاجة غيره. أما إن كان صاحب هذه الخوارق عاصيا لله مضيعا لفرائضه مرتكبا لمحارم الله فهذا ولي من أولياء الشيطان وهذه الخوارق خوارق شيطانية وليست كرامات لا بد أن المسلم يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بأعمالهم التي تصدر منهم ولا ينظر إلى مظاهرهم فقط لأن الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون والصيارفة الصيارفة الذهب والفضة إذا جيء لهم بالفضة بالذهب والفضة عرفوا المعدن الصحيح الخالص من الذهب والفضة من المعدن المغشوش حينما يسمع صوت النقد يعرف أنه مغشوش أو أنه صحيح بمجرد سماع صوته أو وضعه في المختبر هؤلاء الصيارفة يعرفون زيف النقود من غشها وكذلك ولي الله يعرف أولياء الله من أولياء يعرف أولياء الله من أعداء الله ويميز بينهم كما يبين الصيرفي. Donc le cheikh il explique maintenant que celui qui pense ou celui qui s'imagine que toute personne qui fait des choses qui sont extraordinaires, hors de l'ordinaire, des prodiges ou des choses surprenantes qui sont hors de l'habitude, que ces personnes-là sont automatiquement des alliés d'Allah de façon absolue. Et le cheikh il dit, ça c'est une erreur. Et la personne qui pense de cette manière, elle n'a pas distingué entre la vérité, elle ne peut pas distinguer entre la vérité et le faux. Donc le cheikh il dit que les actes que certains font qui sont surnaturels, qui sont hors de l'ordinaire, eh bien ça n'indique pas que quelqu'un est automatiquement ou nécessairement un wali d'Allah. Il dit, il faut voir qu'est-ce que la personne suit, qu'est-ce que la personne fait, hein, c'est quoi sa voie. Et donc, si on voit que la personne est sur l'obéissance d'Allah et sur l'adoration d'Allah, alors dans ce cas-là, on va dire oui, ce sont des karamat, ce sont des prodiges que Allah subhanahu wa ta'ala a permis, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer cette personne en faisant en sorte que des prodiges soient faits par sa main. Soit parce que cette personne-là elle-même en avait besoin à cause de sa foi faible, ou bien plutôt qu'elle avait un manque de conviction, hein, un manque de conviction, donc elle a besoin de ça pour raffermir sa conviction, ou bien elle avait quelqu'un d'autre que lui en avait besoin, hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a honoré par ce genre de prodige. Et il dit le cheikh, tandis que si la personne en question qui fait des actes qui sont surnaturels est une personne désobéissante à Allah, qui délaisse les actes obligatoires et les obligations religieuses, et qui commet toutes sortes de péchés et de choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, alors cette personne là dans ce cas là c'est pas un wali d'Allah, mais plutôt c'est un wali du shaitan. Et ces actes surnaturels sont en réalité des trucs que le shaitan lui fait faire, et ce ne sont donc pas des prodiges qui sont d'origine divine et que Allah subhanahu wa ta'ala a permis à cette personne-là de faire. Plutôt c'est le diable qui lui permet de jouer des tours aux gens. Donc il faut que le musulman sache distinguer entre les alliés de Ar-Rahman et les alliés du shaitan par les œuvres et les actions qu'on voit apparaître ou sortir par rapport à cette personne, comment elle agit. C'est-à-dire que c'est par rapport à ses comportements et son adoration qu'on arrive à distinguer. Et non pas seulement par rapport à l'apparence. Donc il ne faut pas uniquement se fier à l'apparence, mais il faut regarder la voie et la méthodologie de la personne et la conduite de la personne et son attitude par rapport à la foi et la religion et l'adoration. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a défini clairement qui sont les awliya. Et il dit ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Donc, c'est-à-dire, certes, les alliés d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont cru, qui ont eu al-Iman, la foi, et qui se préservaient d'Allah et de son châtiment. Ça veut dire qu'ils se préservent du châtiment d'Allah en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce que Allah interdit. Hein? Parfois en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont eux les awliya d'Allah. En ce qui concerne le Cheikh Ibn Taymiyyah, quand il parle de l'exemple des gens qui s'occupent de la monnaie et de l'argent, et ceux qui sont les spécialistes dans ce domaine-là, quand tu leur viens avec des pièces, tu veux faire, soit par exemple, tu veux changer une monnaie par une autre, ou bien yani, des choses comme ça, tu lui amènes de l'or, des pièces d'or ou des pièces d'argent, parce que dans le passé c'était comme ça, les gens, l'argent qu'ils utilisaient c'était des pièces soit en or ou soit en argent, hein? Aujourd'hui on utilise de la monnaie en papier, alors qu'à l'époque c'était des vrais matériaux précieux qui étaient utilisés pour vendre et pour acheter. Donc les gens arrivaient avec des sacs ou bien des poches dans lesquelles il y avait des pièces d'or, des pièces d'argent. Et cette personne qu'on appelle As-Sayrafi, c'est lui qui vérifiait l'authenticité ou bien la véracité de cet or ou de cet argent. Bissad. As-Sayrafi. Donc lui, il prend la pièce, il la frappe sur une surface ou quelque chose, juste par le son de la pièce, il voit est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est vrai ou faux? Il reconnaît par le son, hein, la matière de cette pièce, est-ce qu'elle est vraiment en or ou en argent, ou bien c'est quelque chose qui est falsifié. Hein? Et la même chose aussi, il a aussi d'autres trucs, soit par le fait de l'entendre, la pièce, ou bien il a parfois aussi d'autres moyens pour vérifier, soit avec la texture, ou bien avec le poids, ou bien avec... il y en a d'autres moyens qu'il a pour faire l'analyse de ces pièces-là, pour savoir si c'est vrai ou faux. Hein? Comme aujourd'hui, par exemple, si tu vas dans certains endroits où les gens sont des changeurs, ils changent de la monnaie, eh bien, souvent, c'est des gens qui ont tellement d'expérience avec la monnaie ou l'argent qu'ils arrivent à reconnaître les faux billets juste au toucher parfois, ou bien juste en les regardant rapidement, ou bien avec, parfois ils ont des appareils pour vérifier aussi la validité des billets. Donc ces gens-là, ils ont cette capacité-là. Et donc, de la même manière que le musulman, hein, qui se base sur la foi et la connaissance qui vient d'Allah, il arrive à lui aussi distinguer et connaître qui sont les awliya d'Allah de ceux qui sont les ennemis d'Allah. Et il peut distinguer entre les deux de la même manière que la personne qui change l'argent ou bien qui travaille avec l'argent peut distinguer entre les vraies pièces et les fausses. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, كما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الردي. Il dit, de la même manière que la personne aussi qui connaît bien les chevaux est capable de distinguer entre le bon cheval du mauvais, hein, parce qu'il est spécialiste en ça. Et le Cheikh, il dit, الخيل في ظاهرها سواء ولكن في مخبرها ولكن في مخبرها وفي صفاتها ومنافعها تختلف ومنافعها تختلف فلا يعرفها إلا الفرسان الذين مارسوها وميزوها أما الذي لا يعرف فكل الخير عند كل الخيل عنده سواء. Donc le Cheikh, il explique que les chevaux, en apparence, ils peuvent être semblables, hein, ils peuvent être pareils ou tous égaux. Sauf que la personne qui est bien expérimentée avec les chevaux, eh bien, elle sait que les caractéristiques des chevaux et les choses pour lesquelles on les utilise sont très différentes. Donc les chevaliers, ceux qui montent les chevaux, ils savent parce qu'ils ont l'expérience. Et puis, comme le Cheikh il dit, on n'utilise pas tous les chevaux pour la même chose. Il y a des chevaux qui sont utilisés pour la course, il y a des chevaux qui sont utilisés pour la guerre, il y a des chevaux qui sont utilisés pour, disons, le transport, exactement. Donc ça, c'est des exemples de différentes utilisations. Puis chaque cheval, ils ont une particularité différente et des choses qui font que ils peuvent être utilisés bien pour telle chose et non pas pour l'autre. Donc la personne qui connaît pas les chevaux, elle voit que tous les chevaux sont pareils, hein, tous les chevaux sont égaux. Mais la personne qui est spécialiste, qui connaît bien les chevaux, qui a l'habitude, qui monte les chevaux, qui sait, eh ben elle peut distinguer par ses caractéristiques lequel est bon, lequel n'est pas bon. Il dit wa kadhalika kullu an-nas yarkabuna al-khayl walakin minhum al-jaban al-ri'did alladhi, hein, parce que c'est par rapport à qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, wa kama yufarriqu man ya'rifu al-furusiyyah bayna ash-shuja'i wal-jaban. Donc également la personne qui connaît l'art de monter les chevaux, puis monter la cheval, le fait de monter les chevaux puis partir au combat avec les chevaux à l'époque où les gens utilisaient encore des chevaux par rapport à ça, ils pouvaient distinguer les gens qui sont courageux de ceux qui sont peureux. Et le cheikh, il dit donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, كذلك كل الناس يركبون الخيل ولكن منهم الجبان الرعديد الذي لا تحمله أعضاؤه عند الفزع وعند الخوف ولو كان يركب الخيل يسقط ومنهم الفارس الشجاع الذي لا يبالي بلقاء العدو كما كل من يركب الخيل يكون فارسا فما كل من يركب الخيل يكون فارسا ولا يميز هذا إلا الفرسان يعرفون الشجعان من الجبناء كل شيء له مهرة يعرفونه ويميزون هذا من هذا في كل فن. Donc le cheikh il dit, de même que tous les gens, tous les hommes montent des chevaux, hein, tout le monde peut monter un cheval, mais il y en a qui sont peureux, hein, qui ont peur de monter et qui n'ont pas la capacité avec leurs membres de bien rester ferme sur le cheval lorsqu'ils ont peur, lorsqu'il y a des situations d'épouvante ou où ils sont effrayés. Et s'ils montent sur le cheval à ce moment-là, ils risquent de tomber. Et il y a le chevalier qui est courageux et qui n'a pas peur d'affronter l'ennemi, hein, ou de rencontrer l'ennemi. Donc c'est pas tout le monde qui peut monter le cheval, hein, ou bien c'est pas tout le monde qui monte un cheval qui est automatiquement un chevalier, hein. Et donc celui qui est expérimenté, il distingue, hein, c'est le chevalier, il distingue ces choses-là, il connaît tout de suite la personne courageuse de celui qui est peureux. Et chaque domaine, il a ses experts. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Chaque domaine, il a ses experts qui connaissent le sujet et qui ont de l'expertise dans cette chose-là. Et puis, ils sont capables, dans chaque domaine, de distinguer entre les gens, hein, ceux qui sont bons de ceux qui sont mauvais. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite, كما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكذاب. Il dit de même qu'il est obligatoire de distinguer entre le prophète qui est sincère et véridique de celui qui se prétend prophète et qui est menteur. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet, كذلك النبوة كثير مما يدعون النبوة وقد يكون بخوارق وقد يكون بخوارق ويقولون هذه معجزات وهي كما سبق خوارق شيطانية ليست معجزات ولا يميز النبي الصادق من المتنبئ الكاذب إلا أهل الإيمان وأهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون علامات النبوة ودلائل النبوة من غيرها فالنبي له علامات وله معجزات وله دلائل تميزه عن الكذاب المتنبئ. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit que de même la prophétie, beaucoup de gens peuvent se prétendre prophètes, et il dit que c'est possible que certaines personnes face des actes surnaturels ou des choses étonnantes, et ils vont dire ça c'est des miracles, alors qu'en réalité, comme on l'a expliqué précédemment, ce sont pas des miracles, ce sont des trucs, hein, des ruses du shaitan, hein, et ce ne sont pas donc des miracles. Et la personne qui est capable de distinguer entre le prophète qui est véridique et le menteur qui est un faux prophète, c'est seulement les gens qui ont la foi et qui ont la science et qui ont la compréhension de la religion. Ceux qui connaissent les signes de la prophétie et les choses qui indiquent ou qui prouvent, hein, celui qui est prophète réellement, de celui qui est un faux prophète. Parce que le prophète, il a des signes par lesquels on peut le reconnaître et il a des miracles aussi qu'il fait et qu'il accomplit. Donc, c'est des signes et des indications qui montrent, hein, comment distinguer entre le menteur et celui qui est véridique, hein, parmi les hommes. Le cheikh il dit ensuite فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول الله رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم وبين مسيلمة الكذاب. Donc il dit, c'est ainsi que on pourra distinguer, hein, quelqu'un comme ça qui a la science, qui a la compréhension, il peut distinguer entre celui qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le vrai prophète honnête et fiable et véridique, le messager du Seigneur des mondes, ainsi que Moussa, ainsi que Al-Masih, Isa, Jésus, le fils de Marie, d'autres, hein, et d'autres également parmi les prophètes. Donc il pourra distinguer entre ceux-là et, par exemple, un faux prophète, un menteur comme Musaylama al-Kazzab. Et Musaylama, dans la note de bas de page, il dit, c'est un homme qui s'appelait Musaylama ibn Thumama ibn Kabir al-Hanafi, luqiba bi Rahman al-Yamama, fadamarahu Allah bil-kadhib, fala yuqalu Musaylama illa wa ma'aha al-kadhab, idda'a al-nubuwa wa irtadda 'an al-islam, thumma qatalahu wahshiy قاتل حمزة بحربته رماه بها فخرجت من الجانب الآخر وذلك في حرب المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه. Donc cette personne Musaylama, il était appelé Rahman al-Yamama. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a démoli par le mensonge. Et même qu'on ne dit jamais son nom, excepté qu'on l'accompagne par le titre Al-Kadhab. Al-Kadhab, c'est le grand menteur. Hein? Al-Kadhab. Donc son nom, c'est devenu connu. C'est comme si maintenant on va jamais entendre son nom, excepté qu'avec, on dit qu'il est Al-Kadhab. Musaylamatul Kadhab. Tout le temps. Et il a prétendu être prophète, hein, alors qu'auparavant il avait accepté l'islam, puis après il s'est déclaré prophète, donc il a apostasié l'islam, et il a été combattu par les sahaba, et il a été tué par un d'entre eux, un des sahaba, c'était Wahshi, hein, on dit que c'est lui qui avait tué Hamza avec sa lance. Et quand il s'est converti à l'islam, Wahshi, il avait des remords d'avoir tué Hamza radiallahu anhu, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a voulu faire un geste ou une œuvre pour essayer de racheter, hein, ce qu'il avait fait avant l'islam. Alors il a tué Musaylama al-Kadhab pendant la guerre contre les Murtaddin, contre les apostats, à l'époque d'Abu Bakr radiallahu anhu. Et on dit qu'il l'a lancé, il l'a tué avec sa lance, et lorsqu'il a lancé la lance sur lui, elle est passée à travers, elle est sortie de l'autre côté. C'est pour montrer à la force, avec quelle force il a lancé cette lance. Ensuite, le cheikh il explique par rapport à ça. Cheikh Al-Fawzan il dit يفرق بين أنبياء الله بعلامات النبوة التي تدل على صدقهم وبين المتنبئين الكذبة الذين يروجون على الناس ويدجلون على الناس وهؤلاء يفتضح أمرهم عما قريب. أما الأنبياء فيبقى أثرهم ودلالاتهم ومعجزاتهم تبقى على مر الدهور فيفرق ولي الله الذي استنار قلبه بالعلم والإيمان ويفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة والأسود العنسي وطليحة الأسدي الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسيلمة والأسود العنسي ادعى النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤمنين قاتلوهم وبطل شرهم عن المسلمين، فالمتنبئون يقطع شرهم ينقطع شرهم عما قليل ويظهر كذبهم ويقطع الله دابرهم، أما الأنبياء فتبقى آثارهم الصحيحة وإيمانهم ودينهم. فرق بين هؤلاء وبين أنبياء الله إبراهيم وموسى ونوح ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام فرق بينهم وبين الكذبة. مسيلمة هذا الذي ظهر في اليمامة وجهز له أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد بجيش المسلمين، وحصل قتال شديد انتهى بقتل مسيلمة وإراحة المسلمين من شره، وانقطع خبره وذكره ولله الحمد. دونك الشيخ الذي ك الله سبحانه وتعالى il distingue donc les prophètes d'Allah par des signes spécifiques reliés à la prophétie. Et c'est des signes qui indiquent leur véracité et leur sincérité. Et il distingue entre ceux qui sont des faux prophètes, des menteurs, qui essaient de tromper les gens, qui mentent aux gens. Et ceux-là sont démasqués bien vite. Hein. Il dit, tandis que les prophètes, eh bien, leur traces et leurs effets restent. Hein, ce qu'ils ont laissé, ça dure et ça reste après eux. Et les indications et les preuves et leurs miracles continuent à avoir des effets à travers le temps. Et donc c'est par cela que Allah subhanahu wa ta'ala distingue entre les serviteurs rapprochés qui sont sincères. Hein. Donc le serviteur d'Allah, il est capable par la lumière de la science que Allah a mis dans son cœur ainsi que la foi, de distinguer entre le vrai du faux. Et par exemple, entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les faux prophètes qui sont apparus après lui, ou bien même parfois pendant sa vie, comme Musaylama et Al-Aswad Al-Anasi et Tulayhat Al-Asadi. Et aussi il y avait Sajjah, avec qui Musaylama s'est mariée. Donc elle, c'est une prophétesse, une femme qui s'était prétendue prophète. Et elle s'est mariée avec Musaylama. Donc il y a le faux prophète qui s'est marié avec la prophétesse, fausse prophète. Et Musaylama, il est mort dans la guerre. Hein. Les musulmans l'ont combattu. Même que Abu Bakr radiallahu anhu, il avait préparé une armée pour le combattre, et il avait même envoyé Khalid ibn al-Walid contre lui, hein, et il a été tué. Tandis que Sajjah, elle a été attrapée, puis elle s'est repentie, puis elle est revenue à l'islam. Donc elle est morte musulmane, alhamdulillah. Donc pour dire, donc tous ces faux prophètes, ils finissent toujours mal. Hein. Les faux prophètes, ils finissent toujours mal. Et on voit apparaître leurs mensonges, hein, très clairement. Et Allah subhanahu wa ta'ala les extermine. Hein. Et il coupe leur rappel. On ne parle plus d'eux par la suite. Et tandis que les vrais prophètes, eh bien, ce qu'ils laissent, eh bien, ça dure après eux. Et ça continue, le bien qu'ils ont laissé reste, ainsi que leur foi et leur religion. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala distingue entre les prophètes d'Allah comme Ibrahim et Moussa et Isa et Muhammad et Nuh. Tous ces prophètes, depuis des siècles, ils sont morts, alayhi salatu wassalam. Mais on parle encore d'eux aujourd'hui. Hein? C'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé leur rappel, a préservé leur religion. Tandis que les faux prophètes, ils meurent et ils disparaissent. Hein? Donc, c'est une des manières par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il distingue entre les véridiques de ceux qui sont des menteurs. Et Musaylamah al-Kadhab, il vient de la région de Al-Yamama. Et donc, comme j'ai dit, yani Khalid ibn al-Walid, il avait été envoyé par Abu Bakr pour les combattre avec une armée. Et il y a eu une grande bataille. Et finalement, il est mort. Et les musulmans ont été épargnés et reposés de son mal. Hein? Et par la suite, on n'a plus jamais entendu parler ni de lui, ni de quoi que ce soit, de ce qu'il a amené. Et il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne d'autres également, après avoir mentionné Musaylamah Al-Kadhab, il mentionne Al-Aswad Al-Anasi et Tulayhat Al-Asadi ou Al-Harith Al-Dimashqi. Ça aussi, c'est d'autres parmi les faux prophètes. Et le premier, Al-Aswad Al-Anasi Al-Kadhab, il est sorti de la ville de Sana'a au Yémen. Il s'est prétendu prophète à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son nom c'est Abhala ibn Ka'b. On l'appelle Al-Aswad Al-Anasi. Wa kana yuqalu lahu Dhul Khimar wal Kha al-Mu'jama li'annahu kana yakhmiru wajhahu. Donc on l'appelait Dhul Khimar parce que il couvrait son visage. وقيل اسمه شيطانة. Certains ont dit son nom c'était شيطانة. Et نعم. Et l'autre طليحة الأسدي. Lui c'est طليحة ابن خويلد ابن نوفل ابن نضلة الأسدي. Il faisait partie de ceux qui ont été présents à la bataille de Al-Ahzab et la bataille de Al-Khandaq. Puis ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. Donc la neuvième année, il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et il s'est converti à l'islam. Puis il a apostasié et il a prétendu la prophétie à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه. وكانت له مع المسلمين وقائع. Il a eu des combats avec les musulmans, puis yani, Allah subhanahu wa ta'ala l'a abandonné, l'a humilié, et il s'est enfui, et il s'est rallié, ou bien il est allé rejoindre des gens à Damas, à Dimashq, et il est resté chez la famille de Jufna. ثم أسلم وقدم مكة معتمرا. Puis il s'est reconverti à l'islam. Puis il est venu à Mecca pour faire la Umrah. Puis il est retourné en Syrie, à Sham, pour faire le jihad. وشهد اليرموك وشهد بعض حروب الفرس. Donc il a été présent dans la bataille de Yarmouk et certaines des batailles contre les Perses. Donc ça veut dire que il a eu beaucoup d'étapes, hein, à un moment donné. Donc, au début, il s'est converti, après, il a apostasié, il s'est prétendu prophète, il a eu des problèmes, hein, il est parti, après, il s'est repenti, il est revenu à l'islam, finalement, il a fini bien. Et l'autre, c'est Al-Harith al-Dimashqi. Al-Harith ibn Sa'id al-Dimashqi, al-Kadhab al-Mutanabbi. صلبه عبد الملك بن مروان وكان الحارث من أهل دمشق كان متعبدا ويتكلم بالتحميد بكلام الله لا يسمع مثله فتعرض له إبليس فأغواه فتوهم أنه نبي فكان يجيء إلى أهل المسجد فيذاكرهم مرة ويريهم الأعاجيب حتى كان يأتي إلى رخامة المسجد فينقرها بيده فتسبح. وكان يطعمهم فاكهة الصيف في الشتاء فبلغ أمره فبلغ أمره القاسم ابن مخيمرة فكلمه فقال له شيء فقال كذبت يا عدو الله فقام فدخل وقام فدخل على عبد الملك فبعث في طلبه ولم يقدر عليه واختفى الحارث ببيت المقدس فلم يزل عبد الملك يطلبه إلى أن قبض عليه ثم أمر بصلبه ثم أمر به فطعن حتى قتل. Donc c'est ça. Al-Harith ibn Sa'id al-Dimashqi, c'était prétendu prophète. Et Abdul Malik ibn Marwan l'a fait crucifier. Et Al-Harith, il faisait partie des habitants de Damas. Et c'était un adorateur. Et il disait des paroles de glorification que les gens n'avaient pas entendu, jamais entendu. Hein? Et il a été trompé par le shaitan. Le shaitan lui a fait croire qu'il était prophète. Alors il venait à la mosquée, puis il leur faisait voir des choses étonnantes. Parfois, on dit qu'il mettait sa main sur le marbre de la mosquée, puis quand il retirait sa main, ça, comme si on entendait des tasbih, yani. Et il mangeait des fruits de l'été en hiver. Donc des choses surprenantes comme ça, les gens étaient étonnés de voir ça. Puis finalement, il a rencontré certains d'entre les dirigeants qui ont voulu l'attraper parce que ils ont vu que c'était un menteur et un faux prophète. Alors Abdul Malik ibn Marwan, il l'a fait attraper, il l'a recherché, il l'a attrapé. Puis finalement, ils l'ont crucifié. Et puis il est mort par la suite. Donc ça, c'est des exemples de certains d'entre les faux prophètes. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, « كذلك الأسود العنسي في اليمن وكان دخل في الإسلام ثم ارتد وادعى النبوة واجتمع حوله من اجتمع وصار له شوكة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين الذين حوله أن يقتلوه فقتلوه وأراح المسلمين من شره فانقطع خبره وانتهى أمره ولله الحمد. نعم. Donc الأسود العنسي, il venait du Yémen, il est devenu musulman, puis il a apostasié, il a prétendu la prophétie, puis des gens se sont mis autour de lui jusqu'à ce qu'il commence à avoir un peu de force. Alors le prophète a ordonné aux croyants qui étaient autour de lui de le tuer. Et donc il a été tué. Et les musulmans ont été épargnés de son mal. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui par la suite. Hein? Et son affaire était finie. Alhamdulillah. En ce qui concerne, il dit, وَأَمَّا طُلَيْحَةَ الْأَسَدِي هَذَا أَسْلَمْ ثُمِّ ارْتَدَّ مَعَ الْمُرْتَدِّينَ بَعْدَ وَفَاتِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَقَتَلَهُ الصَّحَابَ حَتَّى انْهَزَمْ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَتَابَ إِلَى اللَّهِ ويقال إنه قتل شهيدا في حروب فارس. Donc lui c'est Tolayhat al-Asadi, il s'était converti à l'islam, puis il a apostasié à l'époque de la grande apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis les sahaba l'ont combattu, puis il a été battu, donc il a fui. Puis par la suite Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la faveur de se repentir, alors il s'est repenti à Allah. Puis on dit qu'il est mort martyr pendant les guerres contre les Perses. Al-Harith al-Dimashqi, hada ala waqti Abd al-Malik ibn Marwan, Al-Harith al-A'war al-Dimashqi, da'a al-Nubuwa, wa talabahu Abd al-Malik, hatta amsakahu wa qatalahu wa salabahu. Donc c'est ça. Lui, celui qu'on a parlé tout à l'heure, Al-Harith al-Dimashqi, c'était à l'époque d'Abd al-Malik ibn Marwan, Al-Harith ibn. Donc Al-Harith Al-A'war al-Dimashqi, il a prétendu la prophétie. Puis Abdul Malik ibn Marwan, qui était le dirigeant de l'époque, l'a fait attraper, puis l'a tué. Puis l'a fait crucifier. Il dit, « Wababa al-Rumi ». Cheikh ibn Taymi a dit, « Wababa al-Rumi ». « Babahu al-Rumi ». « Wa ghayrihim min al-Kadhabin ». Donc « Babahu al-Rumi », lui je ne le connais pas. j'ai jamais entendu parler de lui, mais il dit وفي أحداث سنة, donc il parle de lui dans les livres d'histoire, hein, donc dans Tariq al-Islam et dans un autre livre qu'on appelle Al-Wafi, Fil Wafayat, il parle en l'an 638, il parle de lui. وفيها ظهر بالروم البابا التركماني وادعى النبوة وكان يقول لا إله إلا الله البابا ولي الله واجتمع عليه خلق عظيم فجهز صاحب الروم جيشا لقتاله والتقوا فالتقوا وقتل في الوقعة 4000 وقتل البابا. Donc c'est ça. Il y avait un homme qui s'appelait Baba, Ar-Rum, Ar-Rumi, Al-Turkmani, puis il avait prétendu la prophétie, puis il disait La ilaha illallah et le Baba et le Wali d'Allah. Puis il y a eu une bataille et puis il a été tué. Il y a eu 4000 personnes qui ont été tuées dans cette bataille-là. Et lui, il a été tué aussi. Ouais, non, ça fait partie de leur bid'a, yani. Les chiites, ils ont inventé des choses dans le shahada. Donc, le sheikh, il dit ensuite, sheikh al-Fawzan, il commente sur ça, il dit, yufarriqu bayna al-anbiya wa bayna al-mutanabbi'in. Yufarriqu bayna al-anbiya wa al-mutanabbi'in. Al-mu'minu yufarriqu bayna al-anbiya wa al-mutanabbi'in. لأن الأنبياء لهم دلائل دلائل النبوة وعلامات النبوة عليهم بخلاف الكذابين فليس معهم دلائل وإنما هم ملبسون على الناس وكذلك المؤمن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان فأولياء الله لهم علامات واضحة الذين آمنوا وكانوا يتقون هذه علاماتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون أما أولياء الشيطان فهم الفجرة والكذبة والعصاة الذين يتبعون شهواتهم ويضيعون الفرائض ويرتكبون الجرائم ومع هذا يزعمون أنهم أولياء الله وهم أعداء الله أو أعداء لله ولكن يصدقهم من ليس في قلبه نور ولا إيمان ويقول هؤلاء أولياء لله وكثير وهم كثير الذين صدقوا هؤلاء كثير من الخلق فصاروا يعتقدون فيهم الولاية ويعبدونهم من دون الله ويذبحون لهم وينظرون لهم والعياذ بالله حتى ولو ثبت أنه ولي لله فإنه لا يعبد فإنه أي نعم حتى ولو ثبت أنه ولي لله فإنه لا يعبد ولا تجوز عبادته ولو كان هو يدعو إلى عبادته عبادة نفسه لم يكن وليا لله فإنه ولي للشيطان ولكن هناك من عباد الله والمؤمنين ومن المؤمنين من ينكرون هذا ولكن عبدوا بعد موتهم وبني على قبورهم بعد موتهم فهؤلاء أولياء لله ولكن لا تجوز عبادتهم العبادة حق لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que il faut distinguer entre les vrais prophètes de ceux qui sont des faux prophètes, et les croyants sont capables de faire la distinction, hein, parce que les prophètes, ils ont des signes, ils ont des indications qui prouvent que leur prophétie, elle est vraie. Contrairement aux menteurs, ils n'ont aucune indication et aucun signe. Ils ne font que tromper les gens. Donc le croyant, lui, il peut distinguer aussi entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan. Parce que les alliés d'Allah, ils ont des signes clairs. Ce sont ceux qui croient et qui ont une taqwa, c'est-à-dire ils se préservent d'Allah. Et ça fait partie de leur signe. Donc, ceux qui croient et qui ont at-taqwa, ce sont les awliyas d'Allah. Tandis que les awliyas du shaitan, les alliés du diable et du shaitan, ce sont les pervers. les menteurs, les gens qui sont dans la désobéissance d'Allah, dans le péché. Ils suivent leurs passions et leurs désirs. Ils délaissent les obligations religieuses et ils commettent des crimes. Et ils prétendent malgré ça qu'ils sont des alliés d'Allah, alors qu'ils sont des ennemis d'Allah. Mais il y a quand même des gens qui n'ont pas de lumière dans leur cœur, qui n'ont pas de foi, et qui croient en qu'est-ce que ces gens-là prétendent, qui croient que ce sont réellement des alliés d'Allah. Beaucoup de gens, malheureusement, les suivent. Donc, ils croient que ces gens-là ont réellement une wilaya avec Allah, un lien, un rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils tombent dans yani, le shirk avec ces gens-là parce qu'ils les adorent en dehors d'Allah. Ils font des sacrifices pour eux. Ils font des vœux pieux pour eux. Alors que même si c'était réellement des awliya d'Allah, on n'aurait pas le droit de les adorer. Parce que personne ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il n'est pas permis de les adorer. Donc, le cheikh, il dit, même si ces individus, par exemple, si l'un d'entre eux, il demande aux gens de l'adorer, eh bien ça aurait été déjà un signe clair et apparent qu'ils ne sont pas des awliya d'Allah. Parce que le wali d'Allah, il ne va pas appeler les gens à faire le shirk. Il ne va pas appeler les gens à ce que les gens l'adorent. Donc c'est la preuve que c'est un wali du shaitan. Il dit, toutefois, il y en a parmi les serviteurs d'Allah qui sont parmi les croyants et qui condamnent le shirk. Mais les gens les ont adorés après leur mort. Par exemple, parmi les awliya, comme par exemple, il y en a des grands ulama ou des grands imams, des gens qui étaient très très pieux, comme Abdul Qadir al-Jilani, par exemple, qui est connu parmi les ulama. Et Abdul Qadir al-Jilani lui-même n'a jamais demandé aux gens à ce qu'on l'adore. Il n'a jamais dit aux gens « Adorez-moi » et il n'a jamais été satisfait de ça, au contraire. Il condamne ce genre de choses et il déteste ce genre de choses parce que c'est du shirk. Mais les gens, après sa mort, l'ont déifié et ils l'ont adoré en dehors d'Allah. Ils ont fait du shirk avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on retrouve à sa tombe une mausolée et que dans la plupart des pays musulmans, même si on sait qu'il n'a pas été enterré dans 10 pays en même temps, c'est pas possible, mais on retrouve dans plein de pays une tombe d'Abdul Qadir al-Jilani. Donc, ça fait partie des choses... Oui, exact. Mais lui-même, bon, c'est les gens qui ont fait ça avec lui, et ils ont fait même une tariqa qui porte son nom, Al-Qadiriyya, alors que lui-même, il n'a jamais approuvé qu'on fasse une tariqa avec lui. Mais c'est comme ça, yani, que les gens, quand ils tombent dans le relou, dans l'exagération, dans l'extrémisme à propos d'une personne, c'est ça qui en découle. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est ça. Le cheikh, il dit, ce sont des awliya d'Allah, mais malgré tout, on n'a pas le droit de les adorer. L'adoration est un droit exclusif d'Allah seul. Donc, on s'arrête ici, inshallah, pour aujourd'hui. On continuera demain. Bi'iznillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته